Il lui sourit avec la lâcheté soudaine de l'être sans force qu'avaient fait de lui ses accablantes paroles. Ainsi, même dans les mois auxquels ils n'avaient jamais plus osé repenser parce qu'ils avaient été trop heureux, dans ces mois où elle l'avait aimé, elle lui mentait déjà. Aussi bien que ce moment, le premier soir qu'ils avaient fait Cattleya, où elle lui avait dit sortir de la maison dorée, combien devait-il y en avoir d'autres, receleurs eux aussi d'un mensonge que Swann n'avait pas soupçonné. Il se rappela qu'elle lui avait dit un jour « Je n'aurai qu'à dire à Madame Verdurin que ma robe n'a pas été prête, que mon cab est venu en retard. Il y a toujours moyen de s'arranger. » À lui aussi, probablement, bien des fois où elle lui avait glissé de ces mots qui expliquent un retard, justifient un changement d'heure dans un rendez-vous, ils avaient dû cacher, sans qu'il s'en fût douté alors, quelque chose qu'elle avait à faire avec un autre. Avec un autre à qui elle avait dit « Je n'aurai qu'à dire à Swann que ma robe n'a pas été prête, que mon cab est arrivé en retard, il y a toujours moyen de s'arranger. » Et sous tous les souvenirs les plus doux de Swann, sous les paroles les plus simples que lui avait dites autrefois Odette, qu'il avait crues comme paroles d'évangile, sous les actions quotidiennes qu'elle lui avait racontées, sous les lieux les plus accoutumés, la maison de sa couturière, l'avenue du bois, l'hippodrome, il sentait, dissimulé à la faveur de cet excédent de temps qui, dans les journées les plus détaillées, laisse encore du jeu, de la place, et peut servir de cachette à certaines actions, il sentait s'insinuer la présence possible et souterraine de mensonges qui lui rendaient ignoble tout ce qui lui était resté le plus cher. Ses meilleurs soirs, la rue Lapérouse elle-même qu'Odette avait toujours dû quitter à d'autres heures que celles qu'elle lui avait dites, faisant circuler partout un peu de la ténébreuse horreur qu'il avait ressentie en entendant l'aveu relatif à la maison dorée, et, comme les bêtes immondes dans la désolation de Ninive, ébranlant pierre à pierre tout son passé. Si maintenant il se détournait chaque fois que sa mémoire lui disait le nom cruel de la maison dorée, ce n'était plus, comme tout récemment encore à la soirée de Madame de Sainte-Verte, parce qu'il lui rappelait un bonheur qu'il avait perdu depuis longtemps, mais un malheur qu'il venait seulement d'apprendre. Puis il en fut du nom de la maison dorée comme de celui de l'île du bois. Il cessa peu à peu de faire souffrir Swann. Car ce que nous croyons notre amour, notre jalousie, n'est pas une même passion continue, indivisible. Il se compose d'une infinité d'amours successifs, de jalousies différentes et qui sont éphémères, mais par leur multitude ininterrompue donnent l'impression de la continuité, l'illusion de l'unité. La vie de l'amour de Swann, la fidélité de sa jalousie, était faite de la mort, de l'infidélité d'innombrables désirs, d'innombrables doutes qui avaient tous Odette pour objet. S'il était resté longtemps sans la voir, ceux qui mouraient n'auraient pas été remplacés par d'autres, mais la présence d'Odette continuait d'ensemencer le cœur de Swann de tendresse et de soupçons alternés. Certains soirs, elle redevenait tout d'un coup avec lui d'une gentillesse dont elle l'avertissait durement qu'il devait profiter tout de suite, sous peine de ne pas la voir se renouveler avant des années. Il fallait rentrer immédiatement chez elle faire Cattleya, et ce désir qu'elle prétendait avoir de lui était si soudain, si inexplicable, si impérieux, les caresses qu'elle lui prodiguait ensuite si démonstratives et si insolites, que cette tendresse brutale et sans vraisemblance faisait autant de chagrin à Swann qu'un mensonge et qu'une méchanceté. Un soir qu'il était ainsi, sur l'ordre qu'elle lui en avait donné, rentré avec elle, et qu'elle entremêlait ses baisers de paroles passionnées qui contrastaient avec sa sécheresse ordinaire, il crut tout d'un coup entendre du bruit. Il se leva, chercha partout, ne trouva personne, mais n'eut pas le courage de reprendre sa place auprès d'elle qui alors, au comble de la rage, brisa un vase et dit à Swann « On ne peut jamais rien faire avec toi !» Il resta incertain qu'elle n'avait pas caché quelqu'un dont elle avait voulu faire souffrir la jalousie ou allumer l'essence. Quelquefois il allait dans des maisons de rendez-vous, espérant apprendre quelque chose d'elle, sans oser la nommer cependant. « J'ai une petite qui va vous plaire, » disait l'entremetteuse. Et il restait une heure à causer tristement avec quelques filles étonnées qu'il ne fît rien de plus. Une toute jeune et ravissante lui dit un jour « Ce que je voudrais, c'est trouver un ami. Alors il pourrait être sûr, je n'irai plus jamais avec personne. » « Vraiment ? Crois-tu que ce soit possible qu'une femme soit touchée, qu'on l'aime, ne vous trompe jamais ?» lui demanda Swann anxieusement. « Pour sûr, ça dépend des caractères. » Swann ne pouvait s'empêcher de dire à ses filles les mêmes choses qui auraient plu à la princesse des Laumes. À celle qui cherchait un ami, il dit en souriant « C'est gentil. Tu as mis des yeux bleus de la couleur de ta ceinture. » « Vous aussi, vous avez des manchettes bleues. »« Comme nous avons une belle conversation pour un endroit de ce genre, je ne t'ennuie pas. Tu as peut-être à faire. »« Non, j'ai tout mon temps. »« Si vous m'auriez ennuyé, je vous l'aurais dit. »« Au contraire, j'aime bien vous entendre causer. »« Je suis très flattée. »« N'est-ce pas que nous causons gentiment ?» dit-il à l'entremetteuse qui venait d'entrer. « Mais oui, c'est justement ce que je me disais, comme ils sont sages. »« Voilà, on vient maintenant pour causer chez moi. » »« Le prince le disait l'autre jour, c'est bien mieux ici que chez sa femme. »« Il paraît que maintenant, dans le monde, elles ont tout un genre, c'est un vrai scandale. »« Je vous quitte, je suis discrète. » Et elle laissa Swann avec la fille qui avait les yeux bleus. Mais bientôt, il se leva et lui dit adieu. Elle lui était indifférente. Elle ne connaissait pas Odette. Le peintre ayant été malade, le docteur Cottard lui conseilla un voyage en mer. Plusieurs fidèles parlèrent de partir avec lui. Les Verdurin ne purent se résoudre à rester seuls, louèrent un yacht, puis s'en rendirent acquéreurs. Et ainsi Odette fit de fréquentes croisières. Chaque fois qu'elle était partie depuis un peu de temps, Swann sentait qu'il commençait à se détacher d'elle. Mais comme si cette distance morale était proportionnée à la distance matérielle, dès qu'il savait Odette de retour, il ne pouvait pas rester sans la voir. Une fois, parti pour un mois seulement, croyait-il, soit qu'ils eussent été tentés en route, soit que M. Verdurin eût sournoisement arrangé les choses d'avance pour faire plaisir à sa femme, et n'eût averti les fidèles qu'au fur et à mesure, d'Alger, ils allèrent à Tunis, puis en Italie, puis en Grèce, à Constantinople, en Asie mineure. Le voyage durait depuis près d'un an. Swann se sentait absolument tranquille, presque heureux, bien que Madame Verdurin eût cherché à persuader au pianiste et au docteur Cottard que la tante de l'un et les malades de l'autre n'avaient aucun besoin d'eux, et qu'en tout cas il était imprudent de laisser Madame Cottard rentrer à Paris, que M. Verdurin assurait être en révolution, elle fut obligée de leur rendre leur liberté à Constantinople. Et le peintre partit avec eux. Un jour, peu après le retour de ces trois voyageurs, Swann voyant passer un omnibus pour le Luxembourg où il avait affaire, avait sauté dedans et s'y était trouvé assis en face de Madame Cottard qui faisait sa tournée de visite de jour en grande tenue, plumée au chapeau, robe de soie, manchon, en tout cas, porte-carte et gants blancs nettoyés. Revêtue de ses insignes, quand il faisait sec, elle allait à pied d'une maison à l'autre dans un même quartier, mais pour passer ensuite dans un quartier différent, usait de l'omnibus avec correspondance. Pendant les premiers instants, avant que la gentillesse native de la femme eût pu percer l'empesée de la petite bourgeoise, et ne sachant trop d'ailleurs si elle devait parler des Verdurin à Swann, elle tint tout naturellement, de sa voix lente, gauche et douce, que par moments l'omnibus couvrait complètement de son tonnerre, des propos choisis parmi ceux qu'elle entendait et répétait dans les 25 maisons dont elle montait les étages dans une journée. « Je ne vous demande pas, monsieur, si un homme dans le mouvement comme vous a vu au Mirliton le portrait de Machard qui fait courir tout Paris. Eh bien, qu'en dites-vous? Êtes-vous dans le camp de ceux qui approuvent ou dans le camp de ceux qui blâment? Dans tous les salons, on ne parle que du portrait de Machard. On n'est pas chic, on n'est pas pur. On n'est pas dans le train si on ne donne pas son opinion sur le portrait de Machard. Swann ayant répondu qu'il n'avait pas vu ce portrait, Madame Cottard eut peur de l'avoir blessé en l'obligeant à le confesser. « Ah, c'est très bien, au moins vous l'avouez franchement. Vous ne vous croyez pas déshonoré parce que vous n'avez pas vu le portrait de Machard. Je trouve cela très beau de votre part. Eh bien, moi, je l'ai vu. Les avis sont partagés. Il y en a qui trouvent que c'est un peu léché, un peu crème fouettée. Moi, je le trouve idéal. » Évidemment, elle ne ressemble pas aux femmes bleues et jaunes de notre amie Biche. Mais je dois vous l'avouer franchement, vous ne me trouverez pas très fin de siècle, mais je le dis comme je le pense, je ne comprends pas. Mon Dieu, je reconnais les qualités qu'il y a dans le portrait de mon mari. C'est moins étrange que ce qu'il fait d'habitude. Mais il a fallu qu'il lui fasse des moustaches bleues. Tandis que Machard... Tenez, justement, le mari de l'ami chez qui je vais en ce moment, ce qui me donne le très grand plaisir de faire route avec vous, lui a promis, s'il est nommé à l'académie, c'est un des collègues du docteur, de lui faire faire son portrait par Machard. Évidemment, c'est un beau rêve. J'ai une autre amie qui prétend qu'elle aime mieux le Loir. Je ne suis qu'une pauvre profane et le Loir est peut-être encore supérieur comme science. Mais je trouve que la première qualité d'un portrait, surtout quand il coûte 10 000 francs, est d'être ressemblant et d'une ressemblance agréable. Ayant tenu ces propos que lui inspirait la hauteur de son aigrette, le chiffre de son porte-carte, le petit numéro tracé à l'encre dans ses gants par le teinturier et l'embarras de parler à Swann des Verdurins, Madame Cottard, voyant qu'on était encore loin du coin de la rue Bonaparte où le conducteur devait l'arrêter, écouta son cœur qui lui conseillait d'autres paroles. « Les oreilles ont dû vous tinter, monsieur, » lui dit-elle. « Pendant le voyage que nous avons fait avec Madame Verdurin, on ne parlait que de vous. » Swann fut bien étonné. Il supposait que son nom n'était jamais proféré devant les Verdurins. « D'ailleurs, » ajouta Madame Cottard, « Madame de Crécy était là et c'est tout dire. Quand Odette est quelque part, elle ne peut jamais rester bien longtemps sans parler de vous. Et vous pensez que ce n'est pas en mal. Comment vous en doutez ? » dit-elle en voyant un geste sceptique de Swann. Et emportée par la sincérité de sa conviction, ne mettant d'ailleurs aucune mauvaise pensée sous ce mot qu'elle prenait seulement dans le sens où on l'emploie pour parler de l'affection qui unit des amis. « Mais elle vous adore !»« Ah, je crois qu'il ne faudrait pas dire ça de vous devant elle. On serait bien arrangés. » »« À propos de tout, si on voyait un tableau, par exemple, elle disait « Ah, s'il était là, c'est lui qui saurait vous dire si c'est authentique ou non. Il n'y a personne comme lui pour ça. » Et à tout moment, elle demandait « Qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment ?» Si seulement il travaillait un peu. C'est malheureux, un garçon si doué, qu'il soit si paresseux. Vous me pardonnez, n'est-ce pas? En ce moment, je le vois. Il pense à nous, il se demande où nous sommes. Elle a même eu un mot que j'ai trouvé bien joli. Monsieur Verdurin lui disait « Mais comment pouvez-vous voir ce qu'il fait en ce moment puisque vous êtes à 800 lieues de lui ?» Alors Odette lui a répondu « Rien n'est impossible à l'œil d'une amie. Non, je vous jure, je ne vous dis pas cela pour vous flatter. Vous avez là une vraie amie comme on n'en a pas beaucoup. Je vous dirai du reste que si vous ne le savez pas, vous êtes le seul. Madame Verdurin me le disait encore le dernier jour. Vous savez, les veilles de départ ont cause mieux. Je ne dis pas qu'Odette ne nous aime pas, mais tout ce que nous lui disons ne pèserait pas lourd auprès de ce que lui dirait M. Swann. Oh mon Dieu, voilà que le conducteur m'arrête. En bavardant avec vous, j'allais laisser passer la rue Bonaparte. Me rendriez-vous le service de me dire si mon aigrette est droite ? Et Madame Cottard sortit de son manchon pour l'attendre à Swann, sa main gantée de blanc d'où s'échappa, avec une correspondance, une vision de haute vie qui remplit l'omnibus, mêlée à l'odeur du teinturier. et Swann se sentit débordé de tendresse pour elle, autant que pour Madame Verdurin, et presque autant que pour Odette, car le sentiment qu'il éprouvait pour cette dernière, n'étant plus mêlé de douleur, n'était plus guère de l'amour, tandis que de la plateforme il la suivait de ses yeux attendris, qui enfilait courageusement la rue Bonaparte, l'aigrette haute, d'une main relevant sa jupe, de l'autre tenant son entouka et son porte-carte, dont elle laissait voir le chiffre, laissant baler devant elle son manchon. Pour faire concurrence au sentiment maladif que Swann avait pour Odette, Madame Cottard, meilleure thérapeute que n'eût été son mari, avait greffé à côté d'eux d'autres sentiments, normaux ceux-là, de gratitude, d'amitié, des sentiments qui, dans l'esprit de Swann, rendraient Odette plus humaine, plus semblable aux autres femmes, parce que d'autres femmes aussi pouvaient les lui inspirer, hâterait sa transformation définitive en cette Odette aimée d'affection paisible qu'il avait ramenée un soir, après une fête chez le peintre, boire un verre d'orangeade avec Forcheville et près de qui Swann avait entrevu qu'il pourrait vivre heureux. Jadis, ayant souvent pensé avec terreur qu'un jour il cesserait d'être épris d'Odette, il s'était promis d'être vigilant et, dès qu'il sentirait que son amour commencerait à le quitter, de s'accrocher à lui, de le retenir. Mais voici qu'à l'affaiblissement de son amour correspondait simultanément un affaiblissement du désir de rester amoureux. Car on ne peut pas changer, c'est-à-dire devenir une autre personne, tout en continuant à obéir aux sentiments de celle qu'on n'est plus. Parfois, le nom aperçu dans un journal d'un des hommes qu'il supposait avoir pu être les amants d'Odette lui redonnait de la jalousie. Mais elle était bien légère, et comme elle lui prouvait qu'il n'était pas encore complètement sorti de ce temps où il avait tant souffert, mais aussi où il avait connu une manière de sentir si voluptueuse, et que les hasards de la route lui permettraient peut-être d'en apercevoir encore furtivement et de loin les beautés, cette jalousie lui procurait plutôt une excitation agréable, comme au morne parisien qui quitte Venise pour retrouver la France, un dernier moustique prouve que l'Italie et l'été ne sont pas encore bien loin. Mais le plus souvent, le temps si particulier de sa vie d'où il sortait quand il faisait effort, sinon pour y rester, du moins pour en avoir une vision claire pendant qu'il le pouvait encore, il s'apercevait qu'il ne le pouvait déjà plus. Il aurait voulu apercevoir, comme un paysage qui allait disparaître, cet amour qu'il venait de quitter. Mais il est si difficile d'être double et de se donner le spectacle véridique d'un sentiment qu'on a cessé de posséder, que bientôt, l'obscurité se faisant dans son cerveau, il ne voyait plus rien, renonçait à regarder, retirait son lorgnon, en essuyait les verres, et il se disait qu'il valait mieux se reposer un peu, qu'il serait encore temps tout à l'heure, et se rencognait avec l'incuriosité dans l'engourdissement du voyageur ensommeillé qui rabat son chapeau sur ses yeux pour dormir dans le wagon qu'il sent l'entraîner de plus en plus vite, loin du pays où il a si longtemps vécu, et qu'il s'était promis de ne pas laisser fuir sans lui donner un dernier adieu. Même comme ce voyageur, s'il se réveille seulement en France, quand Swann ramassa par hasard près de lui la preuve que Forcheville avait été l'amant d'Odette, il s'aperçut qu'il n'en ressentait aucune douleur, que l'amour était loin maintenant, et regretta de n'avoir pas été averti du moment où il le quittait pour toujours. Et de même qu'avant d'embrasser Odette pour la première fois, il avait cherché à imprimer dans sa mémoire le visage qu'elle avait eu si longtemps pour lui et qu'allait transformer le souvenir de ce baiser, de même il eût voulu, en pensée au moins, avoir pu faire ses adieux pendant qu'elle existait encore, à cette Odette lui inspirant de l'amour, de la jalousie, à cette Odette lui causant des souffrances et que maintenant il ne reverrait jamais. Il se trompait. Il devait la revoir une fois encore, quelques semaines plus tard. Ce fut en dormant dans le crépuscule d'un rêve. Il se promenait avec Madame Verdurin, le docteur Cottard, un jeune homme en fez qui ne pouvait identifier, le peintre, Odette, Napoléon III et mon grand-père, sur un chemin qui suivait la mer et la surplombait à pic, tantôt de très haut, tantôt de quelques mètres seulement, de sorte qu'on montait et redescendait constamment. Ceux des promeneurs qui redescendaient déjà n'étaient plus visibles à ceux qui montaient encore. Le peu de jour qui resta faiblissait, et il semblait alors qu'une nuit noire allait s'étendre immédiatement. Par moments, les vagues sautaient jusqu'au bord et Swann sentait sur sa joue des éclaboussures glacées. Odette lui disait de les essuyer. Il ne pouvait pas et en était confus vis-à-vis d'elle, ainsi que d'être en chemise de nuit. Il espérait qu'à cause de l'obscurité, on ne s'en rendait pas compte. Mais cependant, Madame Verdurin le fixa d'un regard étonné durant un long moment pendant lequel il vit sa figure se déformer, son nez s'allonger, et qu'elle avait de grandes moustaches. Il se détourna pour regarder Odette. Ses joues étaient pâles, avec des petits points rouges. Ses traits tirés, cernés. Mais elle le regardait avec des yeux pleins de tendresse, prêts à se détacher comme des larmes pour tomber sur lui. Et il se sentait l'aimer tellement qu'il aurait voulu l'emmener tout de suite. Tout d'un coup, Odette tourna son poignet, regarda une petite montre et dit « Il faut que je m'en aille !» Elle prenait congé de tout le monde de la même façon, sans prendre à part Swann, sans lui dire où elle le reverrait le soir ou un autre jour. Il n'osa pas le lui demander. Il aurait voulu la suivre et était obligé, sans se retourner vers elle, de répondre en souriant à une question de Madame Verdurin. Mais son cœur battait horriblement. Il éprouvait de la haine pour Odette. Il aurait voulu crever ses yeux qu'il aimait tant tout à l'heure, écraser ses joues sans fraîcheur. Il continuait à monter avec Madame Verdurin, c'est-à-dire à s'éloigner à chaque pas d'Odette qui descendait en sens inverse. Au bout d'une seconde, il y eut beaucoup d'heures qu'elle était partie. Le peintre fit remarquer à Swann que Napoléon III s'était éclipsé un instant après elle. « C'était certainement entendu entre eux, » ajouta-t-il. « Ils ont dû se rejoindre en bas de la côte, mais n'ont pas voulu dire adieu ensemble à cause des convenances. Elle est sa maîtresse. » Le jeune homme inconnu se mit à pleurer. Swann essaya de le consoler. « Après tout, elle a raison, » lui dit-il en lui essuyant les yeux et en lui ôtant son fez pour qu'il fût plus à son aise. « Je le lui ai conseillé 10 fois. » Pourquoi en être triste? C'était bien l'homme qui pouvait la comprendre. Ainsi Swann se parlait-il à lui-même, car le jeune homme qu'il n'avait pu identifier d'abord était aussi lui. Comme certains romanciers, il avait distribué sa personnalité à 2 personnages, celui qui faisait le rêve et un qu'il voyait devant lui coiffé d'un fez. Quant à Napoléon III, c'est à Forcheville que quelques vagues associations d'idées, puis une certaine modification dans la physionomie habituelle du baron, enfin le grand cordon de la Légion d'honneur en sautoir, lui avait fait donner ce nom. Mais en réalité, et pour tout ce que le personnage présent dans le rêve lui représentait et lui rappelait, c'était bien Forcheville. Car, d'images incomplètes et changeantes, Swann endormi tirait des déductions fausses, ayant d'ailleurs momentanément un tel pouvoir créateur qu'il se reproduisait par simple division comme certains organismes inférieurs. Avec la chaleur sentie de sa propre paume, il modelait le creux d'une main étrangère qu'il croyait serrée, et de sentiments et d'impressions dont il n'avait pas conscience encore, faisait naître comme des péripéties qui, par leur enchaînement logique, amènerait à point nommé dans le sommeil de Swann le personnage nécessaire pour recevoir son amour ou provoquer son réveil. Une nuit noire se fit tout d'un coup, un tocsin sonna, des habitants passèrent en courant, se sauvant des maisons en flammes. Swann entendait le bruit des vagues qui sautaient et son cœur qui, avec la même violence, battait d'anxiété dans sa poitrine. Tout d'un coup, ses palpitations de cœur redoublèrent de vitesse. il éprouva une souffrance, une nausée inexplicable. Un paysan couvert de brûlures lui jetait en passant « Venez demander à Charlus où Odette est allée finir la soirée avec son camarade. Il a été avec elle autrefois, et elle lui dit tout. C'est eux qui ont mis le feu. » C'était son valet de chambre qui venait l'éveiller et lui disait « Monsieur, il est 8 heures et le coiffeur est là. Je lui ai dit de repasser dans 1 heure. » Mais ces paroles, en pénétrant dans les ondes du sommeil où Swann était plongé, n'étaient arrivées jusqu'à sa conscience qu'en subissant cette déviation qui fait qu'au fond de l'eau un rayon paraît un soleil, de même qu'un moment auparavant le bruit de la sonnette, prenant au fond de ses abîmes une sonorité de tocsin, avait enfanté l'épisode de l'incendie. Cependant le décor qu'il avait sous les yeux vola en poussière. Il ouvrit les yeux, entendit une dernière fois le bruit d'une des vagues de la mer qui s'éloignait. Il toucha sa joue. Elle était sèche. Et pourtant, il se rappelait la sensation de l'eau froide et le goût du sel. Il se leva, s'habilla. Il avait fait venir le coiffeur de bonne heure parce qu'il avait écrit la veille à mon grand-père qu'il irait dans l'après-midi à Combray. Ayant appris que Madame de Cambremer, Mademoiselle Legrandin, devait y passer quelques jours, associant dans son souvenir au charme de ce jeune visage celui d'une campagne où il n'était pas allé depuis si longtemps, il lui offrait ensemble un attrait qu'il avait décidé à quitter enfin Paris pour quelques jours. Comme les différents hasards qui nous mettent en présence de certaines personnes ne coïncident pas avec le temps où nous les aimons, mais, le dépassant, peuvent se produire avant qu'il commence et se répéter après qu'il a fini, les premières apparitions que fait dans notre vie un être destiné plus tard à nous plaire prennent rétrospectivement à nos yeux une valeur d'avertissement, de présage. C'est de cette façon que Swann s'était souvent reporté à l'image d'Odette rencontrée au théâtre, ce premier soir où il ne songeait pas à la revoir jamais, et qu'il se rappelait maintenant la soirée de Madame de Sainte-Verte, où il avait présenté le général de Frauberville à Madame de Cambremer. Les intérêts de notre vie sont si multiples qu'il n'est pas rare que, dans une même circonstance, les jalons d'un bonheur qui n'existe pas encore soient posés à côté de l'aggravation d'un chagrin dont nous souffrons. Et sans doute cela aurait pu arriver à Swann ailleurs que chez Madame de Sainte-Verte. Qui sait même, dans le cas où, ce soir-là, il se fût trouvé ailleurs, si d'autres bonheurs, d'autres chagrins ne lui seraient pas arrivés, et qui ensuite lui eussent paru avoir été inévitables. Mais ce qui lui semblait l'avoir été, c'était ce qui avait eu lieu, et il n'était pas loin de voir quelque chose de providentiel dans le fait qu'il se fût décidé à aller à la soirée de Madame de Sainte-Verte, parce que son esprit désireux d'admirer la richesse d'invention de la vie et incapable de se poser longtemps une question difficile, comme de savoir ce qui eût été le plus à souhaiter, considérait dans les souffrances qu'il avait éprouvées ce soir-là et les plaisirs encore insoupçonnés qui germaient déjà et entre lesquels la balance était trop difficile à établir, une sorte d'enchaînement nécessaire. Mais tandis que, 1 heure après son réveil, il donnait des indications au coiffeur pour que sa brosse ne se dérangeât pas en wagon, il repensa à son rêve. Il revit, comme il les avait sentis tout près de lui, le teint pâle d'Odette, les joues trop maigres, les traits tirés, les yeux battus. Tout ce que, au cours des tendresses successives qui avaient fait de son durable amour pour Odette un long oubli de l'image première qu'il avait reçue d'elle, il avait cessé de remarquer depuis les premiers temps de leur liaison, dans lesquels sans doute, pendant qu'il dormait, sa mémoire en avait été chercher la sensation exacte. Et avec cette muflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux et que baissait du même coup le niveau de sa moralité, il s'écria en lui-même « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. »